Romains 4, versets 18 à 22. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité ». Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Hébreux 11:11, version Semeur. Par la foi, Sarah, elle aussi qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps dépassé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est digne de confiance. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas ce qu'il faut matériellement pour faire ce que Dieu a dit qu'on a à faire? Réponse en 3 points par le témoignage d'Abraham et Sarah qui ont une ressource très spéciale, la foi. Vous écoutez Ressources de Dieu 3 fois. Ceci est un enseignement de préparation au séminaire en Oikonomia, Intendance des Ressources de Dieu. Le séminaire en Oikonomia, Intendance des Ressources de Dieu, a pour but d'inspirer et d'équiper les saints afin qu'ils soient des gestionnaires fidèles des ressources de Dieu et que leur témoignage et héritage spirituel et matériel glorifient Dieu. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Je suis Marie-Laure Braga et revoici Paul-Julien Braga pour la suite du message. Bonne écoute! Présenté en Romains 4, les versets 18 à 22, et Hébreux 11, les versets 8 à 12 et 17 à 19, le témoignage de la foi d'Abraham et Sarah peut se résumer en 3 points que nous allons voir ensemble. Sortir sans savoir, procréer sans pouvoir et donner sans douter. 1. Sortir sans savoir. Imaginez que vous sortez de chez vous un matin avec toute votre maisonnée et tous vos biens. Alors vos voisins arrivent, surpris, et vous avez cette conversation qui est forcément brève. « Abraham, tu vas où comme ça ?»« Devant là-bas, je saurai où je vais. »« Hein ? Il a dit quoi ?» Fin de la conversation. Les voisins ne savent pas quoi penser et Abraham n'a plus rien à dire. Il a dit tout ce qu'il savait. Qu'est-ce que la foi ? Il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce par le moyen de la foi. Éphésiens 2, verset 8. Et comme Paul, nous avons reçu la grâce d'amener au nom de Jésus-Christ d'autres personnes à ce que Romains 1, verset 5 appelle l'obéissance de la foi. La foi est donc la réponse de la part des humains qui permet à la parole de Dieu de transformer leur vie. Hébreux 11, verset 1 définit la foi comme étant, je cite, « une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas ». Le mot grec traduit ici par « démonstration » peut aussi se traduire « conviction ». On aurait donc pu lire « la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction de celles qu'on ne voit pas ». Examinons cette définition en rapprochant les portraits d'Abraham et de Sarah, tels que dressés en Romains 4, 18 à 22 et Hébreux 11, 11. On peut tout de suite y voir 3 points communs. Le premier, Abraham et Sarah ne sont pas capables de faire des enfants. Le deuxième, ils ont reçu une promesse. Et le troisième point, ils ont la conviction que celui qui a fait la promesse peut et veut l'accomplir. La foi dont nous parlons est donc étroitement liée à la parole, à la promesse de Dieu. Il n'y a pas de foi sans promesse. Abraham est parti comme il l'a fait parce qu'il a entendu un ordre assorti d'une promesse. Je cite, « Le pays que je te montrerai ». La promesse est en effet le seul moyen par lequel on peut être sûr de ce qu'on espère et convaincu de ce qu'on ne voit pas. Cependant, la promesse ne vaut que par la qualité de la personne qui fait la promesse. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, en Nombre 14, le verset 23, « Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner, tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » Et Hébreux 3, le verset 19 et 4, le verset 2 expliquent « Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. » L'incrédulité, c'est donc mépriser Dieu. La foi, c'est prendre Dieu au sérieux. Qui a parlé à Abraham? Genèse 12, le verset 1, je lis dans la version Nouvelle Bible Seconde, nous dit « Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, du lieu de tes origines et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. » Celui qui a fait la promesse à Abraham, alors encore appelé Abraham, c'est le Seigneur. Et fidèle à sa promesse, Dieu lui a montré le pays. Genèse 13, verset 14 à 17. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » La foi dont nous parlons n'est donc pas de l'autosuggestion optimiste. Il ne s'agit pas de « ça va aller » ou de confiance en soi. Elle vient de la parole donnée par Dieu lui-même. Paul l'expliquait aux chrétiens de Rome. En Romains 10, 17, il dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » De Christ, il est aussi dit en Hébreux 12, les versets 2 à 3, je lis dans la version Semeur, « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. » Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Question pour vous. Quelle expérience avez-vous de sortir de votre zone de confort et de prendre la route sur la parole du Seigneur sans carte? 2. Procréer sans pouvoir. Promesse faite et honorée donc pour le pays. Mais à chaque fois que Dieu avait parlé à Abraham, il lui avait aussi promis une postérité nombreuse qui allait occuper ce territoire. Or, voilà que le temps passe et la promesse de postérité semble de plus en plus compromise. Abraham avait 75 ans la première fois que Dieu lui a parlé de cette postérité. Genèse 12, les versets 1 à 4. Et sa femme était stérile. Genèse 11, verset 30. 10 années sont passées depuis le jour où ils sont sortis de leur patrie sans savoir où ils allaient pour se retrouver dans ce pays de Canaan. Et toujours pas le moindre enfant. Mais Sarah, alors encore appelée Saraï, a pensé à une solution. Entre-temps, Abraham aussi avait fait part de sa préoccupation à Dieu. Genèse 15, les versets 1 à 6. Il venait de vaincre Kedorlaomer et sa coalition pour libérer son neveu Lot quand Dieu lui dit « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison c'est Éliézer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Cependant, l'enfant n'étant toujours pas venu, Abraham essaie quand même la solution de Sarah. Genèse 16, les versets 1 à 3 nous révèlent « Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Et elle va le regretter bien vite. Genèse 16, verset 4 nous dit « Il alla vers Agar, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. » La solution de Sarah cause des problèmes de famille puis donne naissance à Ismaël alors qu'Abraham a 86 ans. Or, Dieu avait un meilleur plan qu'il rappelle à Abraham quand celui-ci a 99 ans et Sarah 89 ans. Considérant leur âge, Abraham ose s'interroger sur la faisabilité de ce projet. Mais 24 ans plus tard, la promesse de postérité a désormais un nom, Isaac. Genèse 17, versets 15 à 19. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. » Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, « Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? » Et Abraham dit à Dieu, « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu dit, « Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. » La promesse de Dieu est également rappelée plus tard en présence de Sarah. Elle réagit comme Abraham pour les mêmes raisons. Mais 24 ans plus tard, la promesse de postérité a désormais un temps fixé. Il est écrit, elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. » À présent, Abraham a 100 ans. Et 25 ans plus tard, la promesse de postérité a désormais un visage. Genèse 21, versets 1 à 3. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Bien que le parcours paraisse chaotique dans le livre de la Genèse, Romains 4, les versets 18 à 22, révèle qu'Abraham n'a ni faibli dans sa foi, ni douté. Sarah et lui avaient en commun d'être convaincus que celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 11, 11, Romains 4, 21. Question pour vous. Quelle est votre expérience de procréer ou de produire sur la parole du Seigneur sans capacité? 3. Donner sans douter. Promesse faite et honorée donc en partie pour la postérité. Mais voici venu le temps de l'épreuve. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Genèse 22, verset 2. Manifestement, Dieu sait à quel point Isaac, l'enfant attendu pendant 25 ans, est précieux pour Abraham. Pour qu'il n'y ait aucun malentendu, Dieu lui enchaîne très précisément « Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Or, qu'est-ce qu'un holocauste? C'est une offrande sanglante dont la victime est entièrement brûlée au feu. C'est pourquoi Abraham part avec l'enfant, du bois, du feu et un couteau, comme on le voit au verset 6 de Genèse 22. Pourtant, Abraham dit aux serviteurs qui les accompagnent, « Restez ici avec l'âne, Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Genèse 22, verset 5. Comment peut-il dire « nous irons et nous reviendrons » quand il sait qu'il s'en va offrir l'enfant en holocauste? Qui plus est, quand le perspicace jeune homme lui demande « où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répond « mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Genèse 22, versets 7 à 8. Comment sait-il, alors que Dieu lui a clairement dit d'aller offrir ce garçon en holocauste? Voici ce qui se passait exactement dans la tête d'Abraham d'après les Écritures. Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Ainsi, l'obéissance de la foi a été honorée. Dieu s'est pourvu. Abraham est allé et est revenu comme il l'avait dit à ses serviteurs avec l'enfant offert en holocauste. C'est ce qui est appelé une sorte de résurrection dans la lettre aux Hébreux. Voici comment cela s'est passé selon le récit de Genèse 22, les versets 9 à 14. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici !» L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'épreuve d'Abraham révèle qu'il est possible de tellement aimer ce que Dieu lui-même nous a donné que cela peut devenir un obstacle à l'obéissance. Abraham a su éviter ce piège parce qu'il a cru que celui qui a donné a aussi le pouvoir de redonner. C'est pourquoi il n'a pas craint de faire le sacrifice et il a donné sans douter dans l'obéissance de la foi et de l'amour de Dieu. En effet, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. 1 Jean 4, verset 18a. 1 Jean 5, verset 3 à 4 dit par ailleurs, « Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Cette foi qui, selon Galates 5, le verset 6, est opérante par l'amour. » Question pour vous. Quelle expérience avez-vous d'une offrande sanglante et brûlante sur la parole du Seigneur, sans crainte? Bien-aimés, retenons que la foi est la plus précieuse des cinq ressources étudiées, les quatre autres étant le temps, le tonus, les talents et les finances. Et voici pourquoi nous disons que la foi est la plus précieuse des cinq ressources. Premièrement, la foi est la réponse qui permet à la parole de Dieu de sauver et de transformer l'être humain. Deuxièmement, la foi comble l'absence ou l'insuffisance des autres ressources. La foi triomphe de ne pas savoir, de ne pas pouvoir ou de ne pas avoir pour réaliser le projet de Dieu. Troisièmement, la foi établit le lien entre le visible et l'invisible, entre les humains limités et le Dieu infini. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Révèle Hébreux 11, verset 3. Quatrièmement, la foi rend possible l'intendance fidèle de toutes les ressources de Dieu. Hébreux 11, 6 nous dit, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Cinquièmement, nous sommes disciples et témoins de Jésus-Christ pour amener toute âme à la vie par la foi. ce qui est l'œuvre d'intendance la plus profonde et la plus profitable. Paul écrivait en Romains 1, versets 15 à 17, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Question pour vous. Quelle expérience avez-vous d'amener d'autres personnes à la vie par la foi et pour la foi? Que le Seigneur affermisse votre foi et à bientôt pour la prochaine étude intitulée « Calculer, contrôler, choisir, trois exigences de la marche avec Dieu ». Vous venez d'écouter Ressources de Dieu 3, foi. Ceci est un enseignement de préparation au séminaire Oikonomia, Intendance des Ressources de Dieu. Le séminaire Oikonomia, Intendance des Ressources de Dieu, a pour but d'inspirer et d'équiper les saints afin qu'ils soient des gestionnaires fidèles des ressources de Dieu et que leur témoignage et héritage spirituel et matériel glorifient Dieu. Les enseignements de préparation à ce séminaire et à d'autres séminaires sont téléchargeables gratuitement sur le site www.epplaparole.com. Ces ressources ne peuvent être vendues. Toutefois, vous pouvez les reproduire, les distribuer et les diffuser gratuitement, sans les tronquer et sans les modifier. Marchons à la lumière de Jésus-Christ. Il revient bientôt.